amertume sur violon. Mon texte violent dans l'âme, jugé au fond. On vient juste foutre le boxon au box-office au lieu de jouer les proxos. Taf le son sur piste, seul au bloco. 9-6 nourri au 8-6, folie du rap, pression factice. 3 années que ça dure, les fans attendent le 10. On fait notre sauce tant que les promesses planent. Pas de quoi dire qu'on pèse nos sables flottent, que Dieu m'en témoigne. Dieu m'en témoigne. Allusion malsaine, parfois au signe de croix on touche du bois. La frustration laisse place au mea culpa. D'avoir compris n'être que des matricules ou pour eux un cul-de-sac. En haut de l'échelle, mais on grimpe, on peut rien faire de mieux, on fait nos trucs. Toujours sceptique à la vie, il reste des choses à nous prouver, entre autres. S'il existe un paradis, on est les mêmes. Au quotidien, tout bordel, la tête haute, on assume, frère. L'enfer se poste en sentinelle. La clinique grâce à vous tourne son dos à ceux qui veulent parler. Les chiens ne cesseront d'aboyer. La vie nous a appris à nous battre et jamais laisser mourir ce qu'on a commencé. La clinique grâce à vous tourne son dos à ceux qui veulent parler. Les chiens ne cesseront d'aboyer. La vie nous a appris à nous battre et ne jamais laisser mourir ce qu'on a commencé. Quelques kilos de finesse à l'aise dans mon cartonné bouteille de Bénèze. Déjà la mort venait au goût et un pack de 16. Perte de kilos, où sont passés mes abdominaux ou alcoolo. À 22 piges, j'ai le corps d'un minot. Gros pif dans les cartes et oreille gauche décollée. J'ai gagné deux fois le prix de beauté en volant trophée. Moi sur la plage, c'est Bruce Loss mon gros. Mais aussi un verre de saké, trois putains de geisha qui massent dans l'ancienne. On en fout quatre comme moi dans ton baggy boss. Laisse-moi rouler ma bosse, éternel goal dans mon Lévi-Strauss. Ma seule école, celle que l'on critique sans arrêt. Fat d'alcool, j'y vais quand je veux, muni d'un cran d'arrêt. Je veux qu'on me laisse me chirer, qu'on arrête de calculer mes faits et gestes. Même fonce des, je suis là pour faire bouger des têtes. Et souhaite qu'un jour, les bons moments du passé deviennent les pires de mon futur. Pas facile d'y accéder. La clinique grâce à vous tourne son dos à ceux qui veulent parler. Les chiens ne cesseront d'aboyer. La vie nous a appris à nous battre et ne jamais laisser mourir ce qu'on a commencé. La clinique grâce à vous tourne son dos à ceux qui veulent parler. Les chiens ne cesseront d'aboyer. La vie nous a appris à nous battre et ne jamais laisser mourir ce qu'on a commencé. Une tête bien pleine pour veiller au grain. Malgré les migraines, une chienne de vie me fie au destin. J'ai plus le temps, le téléphone peut bien continuer de sonner. Je connais déjà le cul au bout du fil, paraît qu'on se connaît. Non, ça sort, on est seul contre tous, tous pour un, faut pas déconner, tu le sais. Épique assiette, sardine toujours à l'heure du dîner. Seul et coltiné, non jamais, on a trop trimé. À l'époque, y'avait personne et beaucoup moins d'infirmières dans le bloc. Soudé comme le rock, survêt sur nos frocs. On troquait nos idées sur le papier pourvu qu'un jour on touche le jackpot. Mais voilà, y'avait trop de sang sur la dance floor. D'autres trahisons, mais je continue à perpéter le score. On fait du cash sans se prendre au sérieux. Après tout, on sauve pas des vies, faut arrêter de jouer les nerveux. MC, file-moi ton putain de stabilo, que je te dessine ton logo. Un chien féroce après un os, regarde-toi, on dirait dingo. La clinique grâce à vous tourne son dos à ceux qui veulent parler. Les chiens ne cesseront d'aboyer. La vie nous a appris à nous battre et ne jamais laisser mourir ce qu'on a commencé. La clinique grâce à vous tourne son dos à ceux qui veulent parler. Les chiens ne cesseront d'aboyer. La vie nous a appris à nous battre et ne jamais laisser mourir ce qu'on a commencé. Parler nous parler, yes nous décider. La clinique dramatique derrière Mike la dangereuse. Parler nous parler, yes nous décider. Nous check Mike là, bon sang boy qu'a pleuré, yes. Nous encore, yes, nous bad, voyons moi nous wicked. Nous derrière Mike là, yeah. La clinique est dramatique. Tchon.